Réédition en Biélorussie du livre Aperçu de l'enseignement populaire en République populaire démocratique de Corée, dont l'auteur est Sergei Jubatihu, rédacteur en chef du magazine de ce pays Éducation socialiste. Y sont exposés les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du dirigeant Kim Jong-il et d'autres photos de Kim Il-sung. Le livre contient 6 chapitres, comme le grand camarade Kim Il-sung, organisateur de l'enseignement populaire en République populaire démocratique de Corée, Éducation en République populaire démocratique de Corée, 1945-2012, et autres. On y voit également des photos montrant la supériorité du régime de l'enseignement socialiste coréen.